concerts, 7e art, expo, festival, rencontres. L'agenda express. Lionel Breuset. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver à bord de l'agenda express sur Pluriel 91.5. Vous nous écoutez également par l'intermédiaire d'Internet. Cette fois-ci, c'est www.radiopluriel.fr. Nous sommes ensemble durant une petite demi-heure à bord de l'agenda express pour vous donner des bons plans, de l'info pour vous donner envie de sortir sur Lyon et la région lyonnaise. Il y aura également de la musique et puis nous écouterons un interview. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est vrai que ça sent vraiment l'hiver en ce moment, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Alors on va essayer de nous réchauffer tous ensemble à bord de l'agenda express. On vous souhaite la bienvenue. Voici votre émission. L'agenda express. Les portes sont ouvertes, on va pouvoir commencer avec cette première information. C'est à partir du 17 octobre du côté d'Eurexpo. Vous avez rendez-vous avec le salon des vins et de la gastronomie pour tous les amoureux des plaisirs de la table. Une rencontre avec des passionnés de leur métier, hall 2-2. C'est de 9h à 18h du 17 au 20 octobre. Et puis toujours à Eurexpo, à partir du 30 octobre, c'est l'événement cheval équite à Lyon avec des experts équestres, des animations, stands et des épreuves sportives. Du 30 octobre au 3 novembre, équite à Lyon à Eurexpo, de 9h à 18h. L'agenda express sur Radio Pluriel. La Biennale d'art contemporain s'invite à Saint-Priest à partir du 17 octobre à l'Artothèque, exposition Un monde parfait, visite libre ou visite guidée sur rendez-vous, Veduta édition 2013, une imposante et intrigante exposition à l'Artothèque de Saint-Priest qui vous immerge dans un monde parfait, l'entrée est gratuite, vernissage le 17 octobre à 18h30, plus d'infos 04 27 86 53 27. On parle festival à bord de l'agenda express avec la 35e édition pour Rhino Jazz, 250 musiciens dont 135 talents vivant et créant en Rhône-Alpes, plus de 40 concerts dans 25 villes, c'est jusqu'au 26 octobre l'édition 2013, passe par Firminy, Saint-Chamond, Lyon, Mornan. Il y aura au programme du swing, boogie, flamenco jazz, blues, funk, de quoi combler un large public. Rhino Jazz, le festival entre Loire, Rhône et Isère, c'est en ce moment 04 77 19 59 16. Ou direction internet rhinojazz.com. L'agenda express. La semaine du goût, c'est du 14 octobre au 20 octobre, c'est la 24e édition qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets de France et de Navarre. Au programme, leçons de goût dans les écoles, les tables du goût dans certains restaurants, des événements gustatifs. Dans le Rhône, la semaine du goût, c'est à Lyon, Caluire, Vénissieux, Sainte-Foy-lès-Lyon, Solès, Corbas et Chaponnet. Pour plus d'infos, www.legout.com. C'est jusqu'au 11 octobre, c'est du côté de la MJC Louis-Aragon de Bron. C'est un ensemble de peintures de Nadège Druskowski qui revisite l'œuvre de Marcel Proust. C'est en ce moment à la MJC Louis-Aragon de Bron, 04 78 26 87 25 ou www.mjcbron.fr. Intermittence au pluriel de Nadège Druskowski. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous écoutons l'artiste. Je suis Nadège Druskowski, je suis peintre. J'ai commencé à peindre, en fait, je dirais de manière professionnelle, il y a à peu près 5 ans, en fait, parce que j'ai une formation de journaliste à la base. On travaillait comme journaliste avant de faire un gros changement de carrière il y a 5 ans et de me consacrer à ce que je voulais faire depuis toujours. Sur le cadre de l'exposition aujourd'hui, en fait, Intermittence, dont on s'inspire d'un titre de Marcel Proust, enfin, qu'il a envisagé pour La recherche du temps perdu, comme titre global, qui finalement a utilisé pour un titre de chapitre dans Sodome et Gomorre, et qui donc parle des intermittences. Pas simplement vu comme une série d'allers-retours de sentiments, par exemple, mais quelque chose de beaucoup plus profond qui revient parfois des années après. Donc on peut avoir un fait qui nous arrive et puis finalement un sentiment va revenir très fort nous habiter, le décès de quelqu'un ou une saveur, une senteur, et va revenir très fort des années après. Donc l'exposition, en fait, c'était d'essayer de capturer ces sensations et de les mettre en images et aussi en mots, puisque j'ai collaboré avec une poète, et essayer d'amener les gens via la peinture et via des visuels dans l'univers de Marcel Proust. L'exposition est un mélange de peinture, principalement peinture sur toile, peinture sur papier et peinture à l'huile. peinture. L'idée, c'était vraiment de jouer comme en fait un jeu de mémoire où on rentrerait dans l'exposition et en fait après on a un espèce de parcours qui est comme un labyrinthe mental où on va passer d'une pièce à une autre et où parfois des éclats de mémoire reviennent. C'est jouer avec les formats d'étoiles, jouer avec des répétitions mais qui sont jamais totalement similaires entre les toiles et créer un parcours où du coup on est dans un univers intérieur qui ouvre sur l'extérieur et donc jouer avec des barreaux de fenêtres qui d'emblée en fait placent le spectateur en tant que narrateur et qui doit donc naviguer autour de l'exposition. C'est en ce moment du côté de la MJC Louis Aragon de Bron. Dans un instant à bord de l'Agenda Express, d'autres informations, vous restez avec nous. Voici de la musique en compagnie de celle qui, durant 4 fois, a vraiment émerveillé tous les fans de Mylène Farmer. Elle était à la Altony Garnier, je crois, c'était il y a à peu près 15 jours. Voici son nouveau titre, Monkey Me. Merci d'avoir choisi Radio Pluriel sur le 91.5. L'Agenda Express, toujours au cœur des événements. Agenda Express avec Lionel Breuset. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. C'est l'Agenda Express, émission que vous retrouvez tous les jours de la semaine, sauf le mercredi sur Pluriel, 17h30, 18h. Les bons plans sont au rendez-vous, les infos aussi, pour vous donner envie de sortir sur Lyon et la région lyonnaise. À la galerie Upsilon, l'autre regard, venez jusqu'au 13 octobre découvrir les œuvres de Johan Merien. Il a la vingtaine, portraitiste, autodidacte. À 13 ans, il recevait déjà une médaille d'or lors d'un concours en Wallonie. Il travaille principalement à l'huile en se basant sur des photos qu'il réalise. Vous serez charmé par ses portraits dont le réalisme des expressions est à couper le souffle. La galerie Upsilon, l'autre regard, se trouve dans le 5e à Lyon, 04 78 37 53 80. Ou www.galerie-upsilon.com. L'agenda express. L'agenda express avec un regard sur quelques dates de concert avec Enzo Enzo, Têtu, avec ses délicates chansons, 10 et 11 octobre à 20h30 à tout bout de champ, Lyon 1er. Et puis Alpha Blondie, ça va sentir bon le soleil et on en a bien besoin, c'est au Transborder, c'est le 18 octobre à 20h. Et puis à noter que le spectacle de Laurent Gérard, programmé à la Altony Garnier de Lyon le 17 octobre, est annulé. L'agenda express, une idée de balade hors les murs, direction la Drôme, à Maurras en Valoir, distillerie Augier, du 11 octobre au 3 novembre, exposition photo de Claude Champelet, intitulée « Beau jardin » au pluriel, animation l'après-midi du 27 octobre, atelier enfant, il est prudent de réserver au 04 75 31 80 63, c'est à Maurras en Valoir dans la Drôme, expo photo du 11 octobre au 3 novembre, www.distillerieaugier.fr. L'agenda express sur Radio Pluriel. Les cinémas de l'Est lyonnais, ce sont bien plus que de simples salles de projection avec un ciné-collection Mort d'un cycliste en VOST, film espagnol de 1955 en noir et blanc, qui a reçu le grand prix de la critique à Cannes en 1955. C'est le 9 octobre, c'est demain, à 20h30, du côté de Vénissieux, cinéma Gérard Philippe. Et le 24 octobre à 20h30, c'est cette fois-ci à Saint-Priest, et le cinéma s'appelle Le Scénario. L'agenda express, vous ne savez pas encore quoi faire ce soir, mais vous avez décidé de sortir, malgré le temps un peu frisquet, eh bien voici la chronique que vous attendez, c'est En bref ce soir, avec Jean-Louis Murat au Radiant de Bellevue de Caluire, c'est à 20h30. Présentation du festival Lumière 2013, c'est au cinéma Lumière Lyon 8e, c'est à 19h, l'entrée est libre. Chanson Dimitri Nirman, Le Mont Sinaï, N'est que ton cœur, c'est sous le caillou, Lyon 4e, c'est à 20h30. Rencontre avec Jean Rollin pour son roman Hormuse à la librairie Passage, Lyon 2e, c'est à 19h, l'entrée libre. Au Goethe-Institut, Lyon 2e, c'est à 19h, l'entrée libre également. C'est Wagner Verdi au piano et mezzo-soprano. Et puis on termine ce En bref ce soir avec du jazz manouche, c'est à 19h30 à l'ENS Amphi Charles Mérieux du côté du 7e arrondissement de Lyon. Et ça s'appelle Transat Chorus, c'est le groupe qui vous interprétera ce jazz manouche. Dans un instant, troisième et dernière vague d'infos à bord de l'Agenda Express. Merci d'être là avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir danser avec Remedy et Manuel. Ça s'appelle Holidays. Mais pour l'instant, voici une courte pause. pause. Sachez qu'il y a un rendez-vous sur Pluriel à ne pas rater. On est à J-1, c'est-à-dire c'est demain. C'est Jérémy qui vous propose 15h-16h, donc demain, Danse avec les stars 4, puisqu'il recevra Jean-Marc Généreux à bord de son émission absolument fan. M. Pokora. Bonjour, c'est Matt Pokora. Vous écoutez Radio Pluriel. Tal. Bonjour, c'est Tal, vous écoutez Radio Pluriel. Kinvé. Bonjour, c'est Kinvé. Absolument fan. Tous les mercredis, de 15h à 16h, avec Jérémy. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Radio Pluriel, la radio que j'aime. L'Agenda Express, votre émission quotidienne. J'espère que vous passez un bon moment avec nous sur le 91.5, c'est l'Agenda Express. C'est en ce moment à la Galerie Saint-Hubert, Lyon 6e, c'est un hommage à deux artistes disparus cette année. Daniel Fuchs, peintre et graveur, né à Paris, elle a fait les beaux-arts de la capitale et a reçu de nombreuses distinctions. Et puis Alfred Roselaar Green, il est né à Londres. En 1951, retour à Paris où il peint dans son atelier Péniche, qui malheureusement sombre en mer du Nord en 1955, emportant avec elle toutes les collections de cet artiste. Bien heureusement, il en a fait depuis d'autres. La Galerie Saint-Hubert se trouve dans Lyon 6e, www.galerie-saint-hubert.fr, 04 78 52 00 51. Notez bien cette date, le 12 octobre dès 17h30, Foot Concert revient, 4 heures de show garantie au Palais des Sports de Gerland, avec 2 heures de musique live, plus de 35 artistes qui unissent leurs talents pour soutenir l'association Huntington Avenir. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association pour poursuivre les actions auprès des malades, des familles touchées par la maladie d'Huntington, avec Amel Bent, Jennifer, Scheim, Grégoire, Yannick Noah, Alizé, MC Solar et plein d'autres invités surprises. Foot Concert, c'est ce samedi dès 17h30 du côté du Palais des Sports Lyon-Gerland, Lyon 7e. L'Agenda Express. Le CARA et le 6e continent présentent le spectacle musical Barbès Café. Première fois que l'on raconte sur scène l'histoire de l'immigration en chanson. Venez vibrer sur les tubes de Rimiti, Salim Hanifa, El Anka. C'est le samedi 12 octobre dès 20h au CCVA de Villeurbanne, métro Flachais, avec une première partie chanson kabyle. www.6emecontinent.net ou 04 37 28 98 71. L'Agenda Express. Et on termine cette série d'infos avec la fête de la science à Saint-Priest. C'est au château du 9 octobre jusqu'au 13 octobre de 10h à 18h. Le village des sciences, le thème H2O, ici là-bas, l'eau est l'un des corps chimiques le plus essentiel à notre planète. Des conférences, des expériences, la fête de la science est aussi à Vénissieux, à Bron avec le thème l'être humain au centre des recherches en sécurité routière. À partir de demain jusqu'au 13 octobre, de l'infini grand à l'infini petit. www.fetedelascience.fr. Il est tout juste 17h50. Dans un instant, je vous donnerai vos rendez-vous sur Pluriel, les rendez-vous de votre soirée. Ils sont très ensoleillés, vous allez voir, comme chaque mardi. Mais pour l'heure, voici notre coup de cœur de l'Agenda Express. On l'a découvert ensemble hier. C'est une nouveauté signée Muttonheads, Dancing with the Stars. L'Agenda Express. Coup de cœur.